Lily. Petit. Tomo Lily. Une petite maison. Tomo Suli. Une grande maison. Nili Tomo Suli. Ceci est une grande maison. J'ai toujours eu le passe-temps d'étudier les différentes langues du monde, de voyager. En étudiant différentes langues, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de choses en commun que les êtres humains ont. Même si nos cultures diffèrent, on a souvent les mêmes choses universelles qui nous unissent. Et puis j'ai un peu gratté sur des feuilles de papier et j'ai pensé, comment est-ce que je peux sortir seulement les éléments universels et simples de toutes les langues? Et c'était ça mon défi. Tello. Oh. Kili. Fruit. Pona. Bon. J'ai conçu la langue de Tokipona avec seulement 120 mots, seulement 5 voyelles, 9 consonnes. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver le minimum nécessaire pour pouvoir communiquer les choses. Tello, kili, lipona. Le jus de fruit est bon. Et donc il n'y a pas de mots pour beaucoup de choses. Il faut construire les mots avec, en décomposant l'idée dans ses éléments les plus simples. Tomo. Maison. Yoweli. Animal. Lili. Petit. Tomo. Yoweli. Lilili. La niche à chien est petite. Donc, il y a ces racines de base, 120 racines de base. Et puis, à partir de celles-ci, on peut les combiner et créer toutes sortes de mots. Tomo. C'est un peu comme Kili. Jouer au Lego. Lili. Je pense que c'est parce que c'est Tomo. La langue qui s'apprend dans un week-end. C'est facile. Comme une petite activité, Tomo. Quelqu'un peut se donner l'expérience d'apprendre une nouvelle langue, d'entrer dans un autre univers, puis retourner à la vie normale après. Tomo. Lili. Kili. Un ami, c'est une bonne personne. Yanpona. Un ordinateur pourrait être un outil pour le savoir. Ilosona. Une voiture, du point de vue de la personne qui est dans la voiture, peut-être que c'est Tomotawa. C'est un espace construit qui se déplace, mais peut-être que pour le chauffeur, c'est Ilotawa. Une machine pour se déplacer. Sin. Nouveau. Nouveau. Sina. Toi. Toi. Tomosina Lisin. Tu es nouvelle dans la maison. Oui, on peut dire langue construite, langue artificielle. Genre, lorsqu'on parle le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, ce sont des langues qui sont plus ou moins naturelles. D'un certain point de vue, elles sont construites parce qu'il y a souvent des gens, des comités qui écrivent des grammaires et qui vont décider l'usage, quel est le nouveau mot pour tweet en français ou des choses de ce genre. Et ça, c'est un peu langue planifiée. Mais vraiment des langues construites comme a priori, là, comme l'espéranto ou le Tokipona, il y a le Klingon. Souvent dans le cinéma, ils vont embaucher des gens comme pour la série Game of Thrones. Ils ont embauché quelqu'un pour faire la langue Dothraki. Donc ce sont des langues qui ont vraiment été planifiées dès le départ. Et puis là, pour une raison ou une autre, il y a des gens qui l'apprennent. Et puis, Tomo, Sina, Lisin. Tu es nouveau dans la maison. Je dirais que le Tokipona est plus du côté a priori, comme de zéro. Mais j'ai pris des mots de d'autres langues. Donc, par exemple, le mot oiseau qui veut dire oiseau. J'ai pris des mots français. Le mot tello qui vient du français de l'eau. Ou alassa qui veut dire à la chasse. J'ai pris des mots du finnois, du chinois, de l'anglais, de l'espéranto. Et aussi d'une langue de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le tokpisin. Moku. Manger. C'est un peu mon propre millimélo. Moku. Je mange. On peut tout exprimer avec si peu de mots. Ala. Si peu de mots. Négation. Ça crée un défi où il faut vraiment être présent dans le contexte actuel et de pouvoir s'écouter et de pouvoir un peu comme lire dans les pensées de son ami. Il y a différentes manières de se divertir ou d'explorer. Tu sais, il y a la musique, il y a le cinéma, il y a la nature. Puis je pense que les langues donnent une manière de voyager. On peut voyager dans sa propre tête, dans sa propre imagination, créer des choses, imaginer des choses qui ne sont pas toujours là, ou bien qui sont là, et puis les voir d'un angle complètement nouveau. Mimoku. Je mange. Mimoku. C'est étrange, c'est vraiment étrange. Les langues sont un phénomène qui se propage. Mimoku, ala. Je ne mange pas. Au début, c'était comme, OK, je connais les 3 personnes à qui j'ai montré la langue, mes amis, mais après ça, quand ça passe d'une personne à une autre personne, à une autre personne, après quelques temps, je ne connaissais pas les gens qui venaient me parler en Tokipona. Il y avait un événement à Massachusetts Institute of Technology, MIT, où il y avait comme un club de Tokipona. Les gens se réunissaient, puis se donnaient des cours de Tokipona. Puis moi, je n'étais même pas au courant, je ne savais pas, mais c'est je trouve que c'est marrant parce que ça donne vraiment... ça prend sa propre vie. C'est comme un organisme qui se répand. Devenir. Iyo. Chose. Iyo. Chose. Chaque personne, je pense, apporte sa propre interprétation, Iyo. Son propre usage. Chose. Des gens qui l'utilisent un peu différemment. Puis il y a toujours l'influence de nos langues, les langues qu'on parle déjà. Cam. Iyo. Devenir. Mais la langue est assez bien définie, donc je voulais que ce soit tout hermétique comme langue. Puis là, il y avait une communauté de gens qui s'intéressaient, qui faisaient leur propre traduction, qui écrivaient leur propre livre. Puis là, j'ai remarqué que okay, les gens me posaient toujours des questions comme « Ah, est-ce que dans ce cas-là, il faut faire ça ou faire comme ça ?» Et puis les gens voulaient un guide de « C'est quoi la stylistique du Tokipona ?» et tout ça. Donc là, je me suis dit « Ok, ben faut que je finisse un livre, puis que je... au moins qu'il y ait quelque chose qui puisse unir un peu la communauté. Tomo. Tello. Kili. Lili. Suli. Yoeli. Pona. Sina. De temps en temps, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe sur les forums, sur Internet, ou juste pour m'assurer que tout le monde est heureux. Tomo. Moku. Suli. Lili. Iyo. Pona. Kama. Ala. J'aime un peu pas trop m'impliquer parce que je veux pas influencer les choses. Je veux juste... je sais pas, c'est comme un jardin, il faut pas trop arroser les plantes, là. Faut laisser les choses se grandir naturellement. Ala etan mi pilin eni ni li pona ala yan li wile e yan pona yan li wile eni yan anteli lon poka taso toki pona li toki sin ona li toki lili mi pali e ona lon tempo pini sina nasa la sina ken sona e toki pona sina ken kama sona e toki pona lon tempo lili o kama yo et Yann Ponamute. Si vous êtes un peu fou, vous pouvez apprendre le Tokipona, rencontrer des nouvelles personnes, et je ne me souviens pas exactement de ce que je vous ai dit. Toki? Bonjour. Toki. Bonjour. Kamapona. Soyez le bienvenu. Semelindi. Quoi de neuf? Soweli li iyo. Les animaux sont des choses. Mi moko ala i soweli. Je ne mange pas d'animaux. Mi kute sina. Je t'écouterai. Otoki ala opali. Ne parlez pas, agissez. Mi tawa. Je pars.